Dans mes rêves, il était toujours comme ce marchand pèlerin, car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, les secrets de tout cela, les consolateurs est avec moi, il demeure. Oui, il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec moi. Je me réjouis tes jours, marchant sur les trois chemins. Les consolateurs est avec moi, il demeure. Oui, il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec moi. Je vois, je me réjouis nuit tes jours, marchant sur les trois chemins. Les consolateurs est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix à moi, jusqu'au jour où j'ai commencé à mourir. Oui, j'ai tombé à ses pieds, et une douce paix m'est remplie. Les consolateurs est avec moi, ils demeurent. Ils demeurent. Où ils demeurent. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Les consolateurs est avec moi, il demeure, oui, il demeure, alléluia, alléluia, il est avec moi, je me réjouis tes jours, marchant sur les trois chemins. Les consolateurs est avec moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme, le consolateur est avec moi, il demeure, oh, il demeure, alléluia, alléluia, il est avec moi, chantons le roi, je me réjouis de tes jours. Marchant sur les trois chemins, les consolateurs est avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône souverain maintenant par la foi, en toute humilité, convaincu que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche, qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est très fidèle aux paroles de sa bouche. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as écrit, écrit, tout ce que ton message annonce est la pure vérité. Nos âmes vivent de cela. Nous en dépendons à tout instant. Nous sommes tellement reconnaissants lorsque tu envoies de cette précieuse nourriture sur notre chemin pour permettre à chacun de tes enfants d'avoir à manger, de nourrir l'âme, de trouver des forces nouvelles pour te servir mieux qu'avant. Exauce nos prières, Seigneur. Guéris chaque maladie. Donne la force aux faibles. Allez, dissipe les ténèbres. Toutes les zones de ténèbres autour de nous. Allez, qu'elles soient dispersées au nom de Jésus. Allez, laisse que l'amour divin se répande dans nos cœurs et que nous soyons remplis de forces nouvelles pour te servir mieux qu'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, rends le contrôle de la bataille. Allez, rends le contrôle de l'auditoire. Dans le contrôle de l'Église, dans le contrôle de chaque esprit ici présent, que tout soit dans la soumission, reconnaissant que Dieu est souverain et il fait tout ce qu'il veut. Allez. Parle-nous maintenant, Seigneur, et exauce les prières de ces enfants en accord avec la prédication de ce soir. Chacun est dans l'attente. Nous ne sommes pas venus pour être déçus, mais nous sommes venus pour être édifiés. Nous ne sommes pas venus pour être maudits, mais nous venons pour être bénis. Nous ne sommes pas venus à une rencontre les saints des autres, entre les amis, mais nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Reste avec chaque esprit, Seigneur, et puisses-tu nous relever des faiblesses et nous amener aux hauteurs. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. En Jean, chapitre 4, nous lisons le premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Un Thessaloniciens chapitre 5, nous prenons le verset 20 à 22. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Apocalypse, chapitre 2, nous prenons le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne fais supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Nabwale na yo, nampiko na yo, fete okoki kondima bato mabete, na ebi fete osili komeka baoyo, bakolobaka ete bajali batuma, ne bajali bongote, fete ozi bango bato na lokuta. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez vous C'est C'est pour nous un grand privilège ce soir de nous rassembler au nom de Jésus-Christ pour adorer Dieu ensemble, écouter sa parole, recevoir ses consolations et les directives de sa part pour nous aider à mieux marcher devant sa Sainte-Face. Nous venons de suivre un exposé sur la doctrine de l'Église de Dieu par notre bien-aimé frère Kennedy Singabat. Et il a terminé dimanche dernier. Et cela a pris pratiquement 3 mois et demi. Parce que c'est depuis la deuxième quinzaine du mois de décembre 2021 qu'il a pris la chair. Et il a terminé au premier dimanche du mois d'avril. Effectivement, le 3 avril 2022. Et nous l'avons tous suivi attentivement pour les. Il y en a qui ont suivi irrégulièrement, c'est vrai. Mais nous avons en tant qu'Église de Dieu une lourde responsabilité, celle d'examiner son ministère, d'éprouver son ministère, pour dire ensuite, est-ce qu'il vient de Dieu? Est-ce que l'Esprit en opération vient-il de Dieu? Est-ce que l'homme est-il l'homme de Dieu? Y a-t-il aussi vraiment un don de Dieu? Il dépend de l'appel de Dieu. Soit appelé ministère. Tout ça, c'est la responsabilité qui repose sur l'Église. Nous n'allons pas nous mettre à fuir les saucissons ou à dire de petites blagues pour nous consoler. Mais nous devons assumer devant Dieu notre responsabilité. Et chacun a un rôle à jouer en tant que membre de l'Église du Dieu. Je ne dis pas que personne n'est venu accompagner personne à l'Église. Chacun vient pour le compte de son âme. Et c'est envers Dieu qu'il engage la marche spirituelle. Et par conséquent, nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Mais nous devons être le plus sérieux que nous soyons. Qui dit amen? Nous devons être le plus sérieux que nous puissions être. Et savoir que pour tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous aurons à rendre compte à ce même Dieu. Et Dieu lui jugera les humains. Non pas sur base des historiques kilométriques. Où l'un se lève, commence à expliquer que j'ai été membre de l'église à tel âge parce que mes parents m'amenaient là-bas. Et à tel autre âge, j'ai appartenu à telle communauté. À tel autre âge, je suis allé de tel côté. Ce n'est pas sur base de tout ça que Dieu juge. Du genre qu'il puisse dire, c'est lui qui a la plus longue expérience ecclésiastique. Il est reconnu enfant de Dieu. Parce que moi, il est passé partout, on pouvait passer. Et comme il a résisté et qu'il est arrivé jusqu'au ciel, il mérite ici. Dieu n'est pas dans ce folklore-là. Il n'est pas dans les flatteries de ce genre-là. Dieu, il est le Dieu de sa parole. La Bible dit qu'il est le Dieu de la main. La main, c'est sa vérité. Et la vérité, c'est ce qui sort vraiment de sa bouche. La parole qui vient de lui-même. Il est le Dieu de cette parole-là. Nous disons amen. Amen. Et nous avons ce Dieu-là. Oui. Amen. Êtes-vous ici? Amen. Ok. Je voudrais que vous soyez présents ici. Pas en train de traiter avec un fantôme. Avec un certain esprit. Mais nous traitons entre nous enfants de Dieu. Il y a un don à la chair. Il y a une foi dans ton âme. Et les deux collaborent pour produire des résultats. Qui s'édifieront et glorifieront Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité est celle d'éprouver. Éprouver le ministère. Et notre sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est justement celui-là. Comment éprouver le ministère de la parole. Comment éprouver le ministère de la parole. C'est une question fondamentale. Le ministère de la parole. Comment éprouver le ministère de la parole. Je pense que vous l'avez noté dans vos carnets. Ici, dans 1 Jean chapitre 4, c'est le premier passage biblique par lequel nous avons commencé notre lecture de ce soir. Le Saint-Esprit dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais recommandation. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi cet exercice? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est la vérité pure de la Bible. Que ni moi, ni vous, personne ne peut changer. Avant que nous ne venions être sur cette terre, c'était déjà écrit au contraire. Chacun de nous l'a trouvé dans la Bible. Et chacun de nous, en achetant sa Bible, il a acheté son Bible. Même si on essaie d'esquiver, on essaie de se frotter les mains pour dire, mais comment je peux quand Dieu parle à ses enfants, ses enfants bien aimés, c'est qu'il a confiance en eux. Il sait qu'il a mis en eux des capacités pour faire son travail. À moins qu'ils ne soient pas les enfants de Dieu. À ce moment-là, ils ne seront pas concernés par la recommandation de Dieu. Mais aussi certains que Dieu l'a recommandé. Parce que Dieu n'est jamais hors de sens. Dieu n'est jamais un fou. Dieu n'est jamais stupide. Dieu n'est pas un maniaque. Loin de là. Dieu, il est le sage de tous les temps. Le plus sage de tous les temps. On dirait que c'est ça. Et qu'il a mis ça dans sa Bible. L'église du Seigneur ne peut pas se dérober. Les croyants frères ne peuvent pas se dérober. Les croyantes sœurs ne peuvent pas va se délivrer. La charge est là. L'obligation est là. La recommandation est là. Bien aimé. Il est dit bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse aux enfants que Dieu aime. Les enfants que le Seigneur Dieu aime. À qui il a témoigné son amour. Un amour rédempteur. Pour les sortir de la perdition. Les sortir du royaume des ténèbres. Il va mener dans ce royaume de lumière. Il va mener dans sa sainte présence. Les enfants bien-aimés de Dieu. C'est à eux que le message s'adresse. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Les bien-aimés sont concernés. Amen. Non pas bien aimé à la manière de l'église. À la manière des télé-évangélistes. Ils sont en train de parler à un auditoire inconnu. Virtuel. Il est passé sur le plateau de télévision ou dans une chaîne de radio. Et quand il est en train de pomper ses prédications, il est en train d'appeler tout le monde bien aimé dans le Seigneur. En fondant l'auditoire, que le langage de bien aimé dans le Seigneur, c'est à la chair dans l'église qu'on peut les tenir. Mais quand on est en public là devant la radio, vous avez des féticheurs qui sont en train de vous écouter. Vous avez des occultistes en train de vous écouter. Vous avez des sorciers en train de vous tester. Vous avez aussi quelques fidèles des différentes églises en train de vous écouter. Il y a même des membres des églises de Satan. Mais voilà cet homme qui est sur le plateau de la télévision. Vous avez une chaîne de radio. Chaque fois qu'il doit s'adresser là-bas, il les appelle bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme si même les féticheurs sont toujours bien-aimés dans le Seigneur. Même si vous avez le cellulaire qui est debout dans le vice où vous entrez, il peut commencer la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la prédication de la parole qui est dans un bus. Vous allez, tu ne connais pas l'état d'âme de tous les pasteurs. Tu ne sais pas qui est sorcier, qui est malade. Mais toi tu prends la parole pour t'adresser à l'auditoire composé de passagers à bord d'un bus ou à bord d'un train. Et tu les appelles tous bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le langage de la confession. Mais dans la parole de Dieu, il n'en est pas ici. Là où la parole place les mots bien-aimés, ça concerne vraiment les bien-aimés. C'est qui ont expérimenté l'amour de Dieu. C'est qui savent quelque chose sur l'amour dont Dieu aime. Ce sont ceux-là qui sont appelés bien-aimés. Êtes-vous là? Et c'est à eux que le Saint-Esprit s'adresse dans 1 Jean 4. Bien-aimés. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de me parler à moi-même ici à l'église. J'espère que ce bien-aimé, il y en a aussi dans l'auditoire auquel je parle. Bien-aimé, selon Dieu, à qui il a déversé son amour. Et qui ont reçu cet amour avec les témoignages. Et qui sont devenus conscients que Dieu les aime. Qui savent que l'amour dont Dieu les a aimés n'a pas commencé ici. Mais c'était un amour prédestiné. destinée. Afin que le monde ne soit. Le Christ est tout. Avait déjà connu, tu les aimerais. Et il les a effectivement aimés. Et il a voulu mettre le comble à cet amour. En s'approchant de ses âmes prédestinées. Pour les témoigner. Dans Jean 13, par exemple, au sujet de ce bien-aimé, que la pensée ne vous échappe pas. Dans Jean chapitre 13, le verset premier, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Amen. Il a voyez que le Seigneur, là précisément, son amour n'était pas dirigé vers le néant. Vers les inconnus. C'est un amour ciblé. Orienté avec précision. Et cet amour avait des bénéficiaires bien connus de Dieu. Des bénéficiaires que lui le Seigneur appelle les siens. Lui-même les appelle les siens. Alors qui sont les autres? Je ne sais pas. Ils appartiennent à qui? Mais le Seigneur possédait les siens. Et son amour était destiné aux siens. Et quand il était sur la terre, il a travaillé. Arrivé à la fin de sa mission. Il a eu à aimer les siens. Et avant de quitter le monde, il n'a pas voulu laisser cet amour-là à un niveau élémentaire. À un niveau inférieur. Il a voulu mettre le comble à cet amour. Il a voulu parfaire cet amour. Il a voulu l'augmenter au sommet. Il a voulu les magnifier et les démontrer. Envers les siens qui étaient dans ce monde. Je ne m'apprécie pas. Il nous parle comme ça. Sachant que Jésus-Christ est le même hier, sachant qu'il ne fait point de favoritisme. Il est le même Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Dans tous les âges, dans toutes les générations, à tout lieu, à toutes nations, toute ville, tout pays, Dieu connaît ce qui lui appartient. Il ne fait point de favoritisme. Il est le même à l'égard des siens. Il a eu les siens en cet âge. Il a les siens aujourd'hui. Et de la même façon que les siens sont encore dans ces mondes. Et que le fait de montrer des grands degrés de son amour à l'égard. Mais qu'il avait fait hier. Il est le fera aujourd'hui. Il est le même pour le faire demain. La confiance ne doit pas s'ébranler. Rien ne nous trouble au-dedans de nous. Le Seigneur possède les siens. cette terre, il y a les cieux. Il en a dans ce monde ici. Et il aime leur témoigner son amour. Car il n'aime pas gaspiller son amour. Allez donner cet amour à ceux qui le rejettent. Mais il déverse cet amour. Et il amène à son comble. À ceux qui en seront reconnaissants. À ceux qui en reconnaîtront la valeur. Et il les appelle les siens. Ils sont une portion de lui. Ils sont une portion de son amour. Ils sont été tirés de lui. Il est leur père. Et ils sont ses fils et ses filles. Il est leur Dieu. Et ils sont ses adorateurs et adoratrices. Amen. Il vous dit amen. Amen. De voir une vérité aussi claire que ça. Savoir que Dieu, il possède ce programme. Et dans son programme, par sa grâce, il fait partie. Fuyez du nombre. Amen. Il s'agit de bien-aimés. Et ce bien-aimé là, ce sont les siens. C'est-à-dire, soit qui lui appartient. Lui, Jésus-Christ. Ceux qui lui appartiennent, ce sont les siens. Nous pouvons relire la pensée. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Amen. Amen. Alingaki bato na ye moko baoyo bazalaki kati na mokili. Alingaki bango kino suka. Il mit le comble à son amour. Zai kokomisa na suka bolingo wana. Ok. Il a mis. Je suis en train de me rattraper ici. Zali komiso kita. Mettez le titre du terme sur le tableau. On a kotia maman na kamola biso wana. Comment éprouver un ministère de la parole ou un ministère de prédication. Comment le faire? Maintenant regardez, nous sommes en train de parler des bien-aimés auxquels le Seigneur a destiné un message profond et des responsabilités, confiant à Ossien une grande et lourde responsabilité. Êtes-vous là? Et nous voyons que ces bien-aimés, ce sont ceux que le Seigneur a aimés. Il ne les a pas aimés dans l'au-delà. Il n'a pas attendu qu'ils soient morts, cadavres enterrés. Pour leur dire ensuite, oh, je vous ai beaucoup aimé. Vous savez que vous, tu nous as été cher. Quand l'homme est vivant, on ne le dit jamais. Mais dès qu'il meurt, on va racheter un gros bouquet de fleurs. Une grosse gerbe de fleurs pour une église. Tout ça est fait. Mais de son vivant, il a entendu de la bouche des personnes dans son entourage. L'hypocrisie des êtres humains. Tu nous as été cher. Tu écris ça à quelqu'un qui ne sait plus ni lire ni voir, ni entendre. C'est un corps mort sans vie. Et tu viens, tu nous as été cher. Ou alors un message. Nous ne t'oublierons jamais. Ou alors à jamais dans nos cœurs. Les mêmes là qui disent ça. Les jours même où on doit disperser le deuil. Ce n'est plus le défunt qu'on va penser, auquel on va penser. C'est comment c'est partager les biens et même c'est tirailler sa femme. même pour moi, qui va récupérer sa part? Nani a posé moi si naie. Donc on va prendre tout. A posé un nion et dépouiller tout. Vous êtes la nion sans sauvagement. Na makasi na wengine akanza pesa. Mais la tombe vient de courir avec les serves de fleurs. Una limita est comme malamu na à jamais dans nos cœurs. Donc quand j'ai mis dans le bela. Il nous a été très cher. Dans laquelle on peut venir pour la biso. Oh toi et nous, immortel. Mais on a biso le bela il est là. Même pas deux semaines après. On a pas posé balé côté. On oublie l'individu. On se rue sur ses biens. Et on se rue sur bien. Va dire que quoi il y a de on va même se déchirer en famille pour ça. On chasse des fois la femme et les enfants. On na mala et les plis virulents d'entre eux. On a les plis braves récupèrent les grosses. Hypocrisie. Mais l'amour que le Seigneur a pour nous est un amour sans intérêt. Il ne fiche aucun intérêt au prix. Au contraire, c'est un amour qui consiste à nous faire gagner. Nous qui n'avons rien, il veut nous faire gagner tout. Et lui qui a tout, c'est depuis à notre patrie. Il dit amen. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13. Oh, l'amour de Dieu, il est différent de ce que les hommes voient comme amour. 1 Corinthiens 13, verset 4-6. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne souffle point d'orgueil. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Et il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Et pour ça, la calomnie est et pour nous, kaka, malam, on a un mot pesaté. Et j'allais n'attendre que, et pour bon m'amener ma chérie. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Et pour se faire la peau à ma soumoutier, mais pour se faire la ma camboration. Avez-vous remarqué? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est l'amour divin pur dont il est. Il ne cherche jamais son propre intérêt. Et pensez que c'est de cet amour que Dieu nous a aimés. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à gagner quelque chose auprès de nous. Il nous suit pour un certain intérêt. Et que toi tu commences à lui faire des pierres. Ah, mais Dieu aussi, lui et moi c'est quoi? Ni n'ango. Kaka si manangai bo. Oh, azolan de la gani. Diango luke la gani. Si kalangaja kayen. Quand Dieu te suit, c'est pour te faire gagner. Amen. Son amour est un amour irrévocable. Et son amour est un amour rédempteur. Amen. C'est un amour délivré. C'est un amour libérateur. C'est un amour sauveur. C'est un amour pacificateur. Est-ce que tu réalises ça? Dieu veut t'offrir et la joie, et la liberté, et le salut, et la rédemption, et la paix dans son amour qu'il projette près de toi. Mais imaginez maintenant que toi dans ton inconscient, tu penses que Dieu suit ton argent. Où il veut avoir tes valises dans ton église. Imaginez à quel point l'ignorance peut nous égarer. Et ça peut nous faire manquer l'essentiel. Il n'a su aucun intérêt auprès de nous. Au contraire, il peut nous faire profiter de cet intérêt. Il a dit dans la parole, mon peuple se rassasiera de mes biens. en réalité, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? La question vient de la Bible. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Jean-Baptiste l'a dit. Jean 3:7. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été envoyé. Et si le ciel ne donne pas, il n'a rien. Il donne simplement à tous. Et sans reproche. Quand Dieu donne, il tient compte que de la piété. Si tu n'es pas conscient de la sainteté, Dieu donne à tous les humains en toute simplicité. Il est bon et mauvais. Il peut prévoir sur le juste et sur le méchant. Il lève son soleil sur le bon et sur le mauvais. Il donne à tous. Sans reproche. Il est généreux. Il est miséricordieux. Il est incomparable. Ton amour est insondable. Attends-moi là. Maintenant toi tu as reçu un peu de miettes. Et tu penses que quand tu es derrière toi, tu es derrière toi. Tu es en train de poursuivre un quelconque être. Je vois le frère qui vient derrière moi là. Je vois aussi le prédicateur. Il est chez moi. Il est un enfant de Dieu. Dieu ne poursuit rien chez nous. C'est lui qui a tout à nous donner. Nous n'avons rien. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes venus sur ce terrain. Nous sommes entrés dans le monde comment? On lit 1 Timothée chapitre 6. Qu'on lise, hein? Si cela commence à vous échapper, comme ça vous allez immédiatement vous en rappeler. La grâce de Dieu. Oh, mes chers amis, il dit ceci. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Rien, je veux dire rien. C'est celle que tu es venu dans le monde là, tu n'as rien à porter. Tu n'avais rien et tu n'étais rien. C'est dit amen. Amen. Reconnaissez la vérité. Amen. Ne commencez pas à vous cacher sous les chaises. Mais ma carité à l'olendo est la crème de mouton à l'Ouan. N'oublie pas d'où tu viens. En venant être sur la terre, tu n'as fait rien. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Même si tu hésites pour reconnaître ça, mais la Bible dit, il est évident que c'est ça. Souka na mobembo na yo awana se de vérité wane ko imalisi. Amen. Il n'emportera rien à la mort. Tu es venu nu, tu repartiras nu. Amen. Quand tu étais né sur terre, on t'a habillé. Et tu n'avais aucune conscience de ça. Même aucun choix à opérer. L'équipe d'habits de la qualité d'habit. Louis Vuitton. Ambroise Maré. Marque italienne. Il n'avait aucun choix opéré. On a choisi pour toi le premier linge que tu as porté. Le premier chaussette que tu as mis sur toi. Tu n'en connaissais ni la fabrication ni la marque. Et au jour de ta mort, la même situation se reproduira. On t'habillera. On s'habillera. Et on peut ne pas tenir compte de tes dernières volontés. Alors quand on a gagné pas, on peut tout saboter et tu ne feras rien. Tu ne feras à tes habillés. Si quand même on voit pas bas, tu ne feras rien du tout. Yoko pana gawana, baso o, batia, batia. Et puis au koto sa tira lita. Tu ne sauras même pas bouger dans le cercueil. Oui, Baptiste. Tu vas te soumettre. En fila. Tu n'apporteras rien. Pense maintenant à la quantité de froid qui va dégager la chambre froide appelée la morgue. Dès que ton corps va expirer et qu'on l'amène là-bas, il y a une peur bleue qui n'ont jamais visité une morgue. Pour voir même comment ça se présente. Mais ta peur ne t'empêchera pas d'entrer là-bas. Et pense à la quantité de froid que ça va dégager. Ça va glacer même tes ongles. Et pas de vie. Et là, tu n'auras ni volonté, ni programme. Tout ce qu'on voudra faire de ton corps, on le fera. Tu voudras les cisailler en petits morceaux et aller les jeter au sol du ciel. Tu n'auras rien à dire. Tu ne feras que civil. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en apporterons rien. Amen. Mais pendant que nous sommes dans le monde, le Seigneur notre Dieu nous témoigne son amour. Il nous appelle ses bien-aimés. Quel privilège, ma frère. Mes bien-aimés. Le Seigneur lui-même les aime. Et il met le comble à son amour. Pour oh, que le nom du Seigneur soit béni et éternellement. Regardez dans Exode chapitre 2. Au sujet de cet amour dont Dieu nous a aimés. Comme c'est encore merveilleux. Oh, verset 13. Pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, non pas du prédicateur, pas du pasteur, pas de l'évangéliste, pas du prophète, mais du Seigneur lui-même. Voir que c'est lui en personne qui vous aime, vous appelle. Bien-aimé, oh, quelle assurance, quelle consolation, quelle bénédiction. Amen. Pour nous frères, bien-aimé du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Non pas pour la perdition. Non pas pour les tourments. Non pas pour la prison. Non pas pour la perdition. Il vous a choisi dès le commencement. Pourquoi ça? Église. C'est-à-dire pour que vous soyez sauvés. C'est ça le programme de Dieu pour que vous soyez. Dans son livre et son programme, Il n'y a pas écrit dedans autre chose que ça pour ton âme. Je ne sais pas si quelqu'un pourra. Amen. Dieu a écrit un livre programme. Et dans son livre programme, mon nom. Et quand il a écrit mon nom, le programme qui concerne ma vie pour l'éternité, c'est le salut. Rien d'autre. Même pas la maladie. Même pas les douleurs. Mais le salut. Pour le salut. Et si je ne suis pas sauvé, c'est que le livre de Dieu est un livre de mensonge. C'est que la Bible est un mensonge. Et que Dieu lui-même est le premier menteur. Oh, Dieu ne ment pas. Amen. Et dans ces résolutions, il y a le salut de ton âme. Amen. Il t'a choisi pour ça. Amen. Il t'a distingué d'entre les milliers d'autres humains pour que toi tu sois sauvé. Amen. Il t'a désigné pour ça. Amen. Quel est le commencement? Et son programme ne changera pas. Son programme ne changera pas. Il doit subsister. Amen. Le plan de l'élection de Dieu doit s'y si y crois, si y crois pour ta part, si le bien-aimé là, ok. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Il vous fera passer par ça. En vue de votre salut. Il l'a déjà programmé d'avance. Il vous fera passer par la sanctification de l'esprit. Cette expérience précieuse, vous la recevrez de la part de Dieu. Vous l'expérimenterez. La véritable sanctification. Venant du Dieu Saint. Du Dieu Saint qui sanctifie. Vous la recevrez. Aussi certain que je me tiens. À moins que vous dites que je ne suis pas un humain. Mais moi je sais que je suis un humain. D'un de vous, je me fais ici. Et ce bois, c'est la chair. Ça, c'est la Bible. Ça aussi, c'est la Bible. Ici, c'est un cantique. Beaucoup d'avoir le yembo. Êtes-vous là? Aussi certain que je me tais. Ce que Dieu a prévu est une réalité d'accomplissement obligatoire. La sanctification de l'esprit ne sera pas mythique pour vous. Je ne sais pas si l'idée dont vous entendez parler, mais ce sera un processus réel par lequel le Dieu Saint est parfait pour qu'elle apporte lui-même. Alléluia! Gloire au nom du Seigneur Jésus. Par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Amen. Il vous a destiné à ça. Vous dites encore amen. Amen. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 5. Que dit l'évangile. La parole dit ceci. Il est dit. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Mais à la possession rédemption ni salut. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a conduit sa pour la candidature. Parce que tu es dans le pisto, mais il y a encore un pisto sous pisto. A posséder le salut. La confiance dans le pisto. Prendre possession du salut. Pour voir un mot pensé dans le pisto. Ça devient ton héritage. Et comme la lumière à l'eau. Ça devient ton cadeau céleste. Et comme la lumière à l'eau. Un don gratuit de Dieu. Nous avons eu la femme à l'eau dans le pisto pensé à l'eau. Il est destiné à ça. A conduit ça qui est pour un mot. Et non pas à la colère. Nous avons eu la tanda. Prenons encore une vitamine. Prenons. Voulez-vous encore une vitamine? Amen. Amen. Qui va nourrir l'être intérieur? Amen. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Oh, comme Dieu est merveilleux dans le monde. Oh là là. Il a dit ceci. Au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle, amen, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Zambi, ma soumouma fouta, li fouta yali soumou, et zali liwa. Mais katinde likabo yofele oyo zame apesi baye ya ye ezali pomo ya seko na seko. Amen. Na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Eyali polele. Amen. Tolinga kabongo. Amen. Maloba ya tata. Amen. Pe maloba ya seko na seko. Amen. Ya moyo nde. Amen. Ko tangwa te. Ko telengana te. Amen. Ko lelalela te. Amen. Ko misuna suna te. Amen. E yali nde. Polele. Amen. Maloba ya mkolo e hingele na motema na yo. Bebo mai ya roche. Amen. Amen. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui me fait te le dire. Amen. Tu te sens bien? Amen. Moi aussi, je me sens bien. Nous sommes dans notre bain. Nous avons la parole, c'est le royaume de puissance. Dieu le prend les choses. Amen. La paix s'enfuit. La maladie est vaincue. Les chrétiens se disent parti. Nous sommes au poste dit de voir. Et Dieu a promis de prendre soin. Le Brenham a dit, si la dénomination vous envoie, alors que la dénomination si la dénomination vous envoie, alors que la dénomination prenne son livre. Mais, si Dieu vous envoie, il prendra son livre. Qui est celui qui aime dire amen? Amen. La vérité doit être soutenue. Nous devons la dire clairement. Amen. Si Dieu vous envoie, alors lui Dieu prendra soin. Alors si c'est la dénomination, vous allez vous en prendre à la dénomination. Vous au sujet des membres de la dénomination. Parce qu'ils ont fait de ce qu'ils n'ont pas fait. Mais quand Dieu vous envoie, Oh, la mort, La Copa son programme pour mon âme. Ce programme, c'est quoi? Mon salut. Moi, je ne vais pas penser à autre chose. M'attendre à autre chose. Voir autre chose. C'est le salut que Dieu m'a promis. C'est écrit dans son livre. Amen. Est-ce que j'ai besoin de connaître même le nombre de ces démons? Pourquoi il y a un problème? Moi, ce que je veux connaître, c'est le programme de mon Dieu créateur. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Non, pas parce que le souhaité prépare. Autre sera la prière à contre-carration. Dieu a un programme merveilleux. Dieu qui t'appelle son bien-aimé. Qui va te toucher? Hein? Et toi tu dois commencer à te donner des insomnies à cause des calculs du programme de sorcier. Mais ça n'a pas de sens. On est dans la 1 Jean chapitre 5. Quel est l'écriture là? Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. Et le malin ne le touche pas. Amen. Na moto oyo asili kobotama na Nzambe akosalaka masumu te. Po te ye oyo abotami na Nzambe Je veux entendre ta position à ce sujet. Je le dis en vérité de quel verset. Tu peux me justifier dans la Bible? Donne-moi le verset qui dit que les sorciers vont manger les enfants de Dieu. De croyances bêtes. Vraiment. Stupide même. Voilà, vous autres, je vais vous et toi, chrétien, tu vas relayer de son compte. Je dit, vous restez à tout le monde. C'est ce la parole. Amen. Parlez selon la parole. Amen. Allez soutenir les bêtises des démons. Les malins ne les touchent pas. Il appartient à Dieu. Il est de Dieu. Amen. Il est enfant de Dieu. Amen. Jean, chapitre 10. Johanne, on t'a pour un verset 27. On va tout couper dans le sambo. À 29. Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Le Père est plus grand que Tata Zalimoulé n'est qu'on est pas. Oh sorcier. Donc, 583 malins. Azali est invité à un. Il y a un grand numéro. Il y a un grand numéro. Il y a un grand numéro. Il y a un grand numéro. Il y a un grand numéro. Notre Père Céleste est plus grand que tous. Convaincu et concerné. Convaincu de ça. Et concerné par ça. Voilà. Sois convaincu de ça. Et tu seras concerné par ça. Notre Père Céleste est plus grand que tous. Il n'y a personne plus grand que notre Dieu. Il n'y a personne plus puissant que notre Dieu. Il n'y a personne plus fort que notre Dieu. Le seul grand, c'est lui. Et personne ne peut ravir les brebis du Seigneur. Voilà le privilège d'être appelé bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé du Seigneur. Ah, quel privilège! Et l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Il nous suit dans la mêlée. La mission semble faire des brebis. Et c'est lui qui tient l'épée. Le Père du roi. Celui qui décide de combattre. Si quelque chose arrive, c'est qu'il s'agit juste d'une dépassée. Et il a quelque chose à se donner avec lui. Il est un Dieu merveilleux. Des surprises agréables. Il a quelque chose à t'offrir. Délicieux et précieux. Tu dois l'aimer. Tu l'aimeras de tout ton âme. De toute ta pensée. Parce qu'il mérite vraiment cela. Dieu mérite l'amour de ton cœur. Tu te sens si bien? Alors revenons à notre passage ici. Jean chapitre 4. Bien-aimé. Oh, voyez que tout ce temps, nous ne sommes qu'en train de commenter encore le bien-aimé. Bon, bien-aimé. Avez-vous compris le mot bien-aimé? Ton tour biblique. Le bien-aimé. Vous avez compris ça? Bien-aimé du Seigneur. Ceux à qui le Seigneur témoigne cet amour. Et qui l'ont reçu avec reconnaissance. Mais qui ont été choisis par l'intérêt commandant. Pour posséder le salut. Bien-aimé. Donc ils sont précieux pour lui. Que bien-aimés là sont précieux pour lui. Qu'est-ce que Dieu réserve encore là? Oh, on va revenir ici. 1 Corinthiens chapitre 2. Que l'écriture parle encore. Verset 9. Elle a dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'elles ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Affaire d'amour. Dieu les appelle bien-aimés. Mais est-ce que eux ne sont-ils pas aussi bien-aimés pour Dieu? Est-ce que Dieu n'est-il pas bien-aimé pour eux? Dieu n'est-il pas bien-aimé pour ceux-là? Est-ce que lui, Dieu va seulement considérer que ce sont ses enfants qui sont ses bien-aimés? Ne les tiennent pas pour le bien-aimé? Jésus-Christ est notre bien-aimé. Et Jésus-Christ a voulu vérifier cet amour dans Pierre. Après que Pierre l'ait régné trois fois, le Seigneur a venu l'éprouver en présence de tous. Les autres disciples là. Voyez ce qu'il a dit. Jean chapitre 21. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Bon, c'est vrai que les autres ici m'aiment. Et je sais que les autres m'aiment. Moi, Jésus, je vous ai aimé. Vous êtes les miens. Et j'ai mis le comble à mon amour pour vous. Avant de quitter la terre. Aujourd'hui, je suis ressuscité. Pierre, toi, tu m'as régné toi. Je sais que tous les autres disciples ici m'aiment. Je vais demander à toi qui m'as régné toi. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples m'aiment? Quelle question! Non pas seulement est-ce que tu m'aimes tout court. Mais le Seigneur voulait vérifier que le degré d'amour qu'a fait Pierre pour son Seigneur était plus élevé que l'amour qu'avaient les autres disciples pour le Seigneur. Et au lieu de le faire en secret, il vient le faire devant les disciples. Au point que Pierre ne pouvait pas se cacher. Il devait répondre et dire la vérité. Et cette vérité ne veut pas dire son cœur. Et cette vérité ta sable. Et nos pierres. Et nos pierres. Et nos pierres. Et nos pierres. Et nos pierres. Et nos pierres. Et nos pierres. Toi, mets ton nom là-bas. Nous sommes ces disciples ici devant Dieu. Vous allez voir que nous sommes en train de dire. Dis-toi ce que tu as fait en secret là. Quand on n'était pas au culte, les gens qui ont fait en secret. Trois frères qui rendent les sœurs grosses, des filles grosses dans les morts. Nous ne convainc pas que vous aimez ça. Le père a ma chambre. Oh le Chirac. Un faux frère. Nous convainc à le coucher. A tout me la gâté, à Bibi Sarabana, ma cagouté. Hypocrite. Il a voulu parler. Mais il vient ça sort comme frère Galilée. La question, est-ce que tu aimes le Seigneur plus que Christine est là? Dis la vérité. Et toi, c'est là-bas. Tu parles comment c'est le procès. Au nom de la guerre, accident moto yaki. Accident. Nous savons que celle qui n'est pas mariée se préoccupe des choses du Seigneur. Oui, toi, si de moyens de plaire à Dieu, d'être de chance de corps et d'esprit. Il n'y a pas de négociation autour de ça. La parole a parlé, c'est tranquille. Mais comme il veut nous combattre, qu'on ne soit pas zémi, frère, sœur, néglige. Mais pour moi, si. Hypocrite. Il a voulu parler beaucoup aussi. Est-ce que tu aimes le Seigneur plus que ses frères et les soeurs de Mélène? On lui dit que pour les cabanes, pour pas l'autre passer à l'ingué. La question t'est posée à ton âme. Dieu devait répondre en public. Si on doit faire Sionis, c'est que chacun doit répondre. Alors, ça va nous prendre tout notre esprit. Toi, donne la réponse dans ton cœur. Quand tu seras seul, dis la vérité au Seigneur. Viens confesser tes péchés. Parce que tout péché inconfessé ne restera jamais impuni. Ça va t'attraper. Et qui pombate, Kosala qui maillait les mancacités, qui maillait les mabés, le malin. Et toi tu es malin, bah au canayote, bah au soyote. Nous avons besoin, à ça mon au cala. Il n'attend que le moment de te ridiculiser. Au lapin, mon colouane. Au banan, attendez. Nous avons un le temps vient, les choses viennent. Il est proche pour un jugement. Dieu le fera. Nous avons un colouane. Simon Pierre, fils de Jonas. Simon a fait le moins. Le même type plus que ne même ceci. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, fais-moi les fagnons. Alors, il a été, mon pays, il a été, Najali, Moninga, Nayo. Alors, il a été, l'Eïsa, Bana, Mampati, Nangaï. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors, il a été, Nambalanami, Balayé, Simon, Amon, Nayona, Olingi, Nengaï. Beaucoup d'hommes n'aiment pas que la même question leur soit posée des fois. Vous avez déjà répondu, mais c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez quitté? Mais le Seigneur, c'est lui qui fait ça. Vous avez ça, vous avez une préférence, vous avez une préférence. Vous avez une préférence. Vous avez une préférence. Vous avez une préférence. Vous avez une préférence. Vous avez une préférence. C'est là où nous ne devons pas être des capricieux des bâtiments. Vous allez vous aller battre dans des questions. Moi, je n'aime pas comme ça. Tu n'aimes pas quoi? Le mec, dans la bouche, il n'a pas de bouche. Il est fort. Il est malheureux. Où qu'il te connaisse, suis simplement. Arrête de faire les menaces au Seigneur. Tout ça, pour pas mettre en colo. On a l'air à ma bonté. La ligne de la paix est à bonté. Au colinago. Dans ma ligne à Kayo, nous avons fait ces leçons. On peut dire que la mobilité est là parce que Wana est le gars qui n'a pas raté. Simon vient. M'aimes-tu? Pierre venait à peine d'achever de répondre. Ah, vous êtes aussi de Tatoyamela? Il me pose encore la même question. Attendez, tout le monde tourne à mon corps. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Okay. C'est pas fini. Quand même mes frères viennent une troisième fois. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, même si, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même si. Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, hein? Tu sais que je t'aime. Alumina est mon père, yo, et ma cambriance, yo, et bien, naï, mon inga na yo. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. La troisième fois qu'il répond ici, il s'est attristé et puis il dit, bon, ne me crois pas. Peut-être qu'il pense que mon cœur est en train de tomber. Seigneur, tu sais tout ça. Peut-être qu'on a le bien aussi. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait là? Il a obtenu la réparation des pierres. Hier l'avait régné combien de fois? Et il devait le confesser combien de fois? Vous qui ne croyez pas à la réparation des péchés. Qu'est-ce que je vous enseigne? Amen. Tant que l'on le kouta, kende place au Kostaki, zongela maloba, sembola loba vérité. Amen. Non. Il ne faut pas avoir ce caractère-là d'échappatoire. Vous devez aller reconnaître la faute que vous avez commise, déclarer la faute et corriger à la place. Dire la bonne chose à la place de la mauvaise. Amen. Amen. Oh frère Jonas, na yuka ka muyi gra moyibi. Yo pe o yoki, tu ne vérifies rien. O gedo, o kiteli na frère Moussou. O yebi, o yima ka mbole kiti gris. Frère Jonas wana. Amun na ga neti ka na mustantu. O mukosi. Ji a pri, il a ga gra moyibi. Wana pe apa na yete azi mukusa na zo pa kepe. Ngani? O yima ka mbole gris kuna. Frère wana, gra moyibi. Le frère, alors abonnement à l'église, tout le monde commence à l'écouter. Tout le monde commence à vérifier ses mots. Il faut apprendre les sacs de classe. Ah, il sait quoi? Personne ne lui dit rien. Réunion ici, il va te voir Panzani. Au moment où il est venu à l'église, c'est la preuve que Kazan est la mouillée. Plusieurs les savent. Pourtant, c'est toi le pionnier. Le premier, Frère Jonas, bon, pardonnez-moi, tout le monde a vu chrétienne, hein? SMS. Quand vous parlez en haut, vous n'avez pas de mal. Et le bâtiment est le toko. Mais quand vous êtes là, et comme il va SMS à distance. Frère Jonas, vous savez que Dieu nous aime vraiment, il m'est arrivé de dire une erreur une seule fois. Combien de temps vous avez fait pour la moko? Pour la peine, il n'y a pas que les gens qui posent dans la réalité. Mais souvent, les gens qui posent dans la réalité, pourquoi maintenant ce qu'on fait? L'homme confesse le péché, les fautes qu'on a commis. Ah, mais connaissez-vous souvent les fautes? Oui, parce que Yango Zalimbeba. Parle très justifiant. Il a été comme l'on dit ça. Oh non, moi, non, frère. Allez redresser la chose. C'est important. Amen. Dieu vous a destiné au salut. Mais ne vous détruisez pas vous-même. Pas de mauvais choix que vous faites dans votre vie. Par des actes d'iniquité. dans lequel vous décidez, que Dieu m'aide, que t'assiste pour nettoyer ta vie chaque jour. Nettoyer tes habitudes chaque jour. Nettoyer tes œuvres chaque jour. Et refléter la piété chrétienne, la sainteté de la parole. Que le Seigneur nous assiste dans ce sens. Je prie vraiment pour ça. Que Dieu purifie l'église. Que Dieu purifie tes lèvres. Que ta bouche ne dise plus n'importe quoi. Dis ce qui est vrai, véritable. Et ce qui est honorable. Non seulement pour vous-même, mais pour votre frère, pour votre frère. C'est amen. Amen. Comprenez que nous sommes les bien-aimés. Pour qui Dieu a prévu le salut. Et pour ça, il dit là, je reviens à 1 Jean 4. Il dit ça, 1 Jean chapitre 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Pourquoi devons-nous éprouver tout esprit? Les esprits. C'est parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. À cause de la multitude de faux prophètes, nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Alors que Dieu nous a réservé le salut, nous ne pouvons pas aller prêter foi à n'importe quel esprit. Il peut nous conduire à la ruine, à la perdition, et remettre en cause le programme de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle chose. Mais nous devons veiller. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Est-ce que ce verset dit dans la version de Darby? 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, toujours eux les bien-aimés. Nous comprenons la pensée de bien-aimés. Et quand nous comprenons la pensée de bien-aimés, l'identité de ces bien-aimés, nous comprenons alors le poids de la responsabilité qui repose sur ces bien-aimés. Il doit veiller pour que la permission n'entre pas. Que la permission ne le récupère pas. Quel que soit rapport. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit. Croire tout esprit. Amen. C'est quoi là? Oh yaya, nataka mutu na zambe, iyo, bongonde, oh msali na zambe. Mutu wa kotele, mtene, zambi mutu wa kini gana, na iye lo mesaj. Eh, luba, msali na zamba zoroka, mwana na zamba bele mikoloka. Ha? Gaillard, ce type qui vient, parce vous dit seulement qu'il a un message de la part de Dieu, vous êtes bien disposé à croire, pas même connaître son identité, son état. C'est pas chrétien. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit. Amen. Que c'est lui qui est bien-aimé, dit amen. Amen. Amen. Attends, vous finissez aux extrémistes. Aux fanatiques. On va voir votre église, ça vient. Eh, dit l'obéla. Ça ne change rien. M'a dit quoi faire. Et je ferai ce que dit la parole pour plaire à mon Dieu. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit. Ici on a dit, n'ajoutez pas foi. Quand on parle d'ajouter foi, c'est que il y a eu des choses déjà éprouvées auxquelles vous avez donné confiance. Et vous êtes à la marche avec Dieu. Vous connaissez ce que vous croyez. Vous connaissez aussi en qui vous avez cru. Par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas un je sais tout. Mais le fait que Dieu vous a permis de connaître, vous vous y accrochez tellement de peur d'être éloigné de ça. Mais maintenant, quand des choses nouvelles viennent, et des esprits nouveaux se manifestent, entre dans l'église, viennent dans vos maisons, viennent vous fréquenter. Soyez sur vos gardes. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce qu'il parle de Jésus qu'il doit mériter votre confiance. Ce n'est pas parce qu'il vous a dit il a fait un songe. Un songe vraiment dramatique. Terrible que vous a cru. Ça ne doit pas vous intimider. Nous devons au contraire éprouver les esprits. Amen. Pour savoir ce qui est dit. Pour voir s'ils sont de Dieu. Amen. Et quand est-ce que vous verrez qu'ils sont de Dieu? Amen. Mais après avoir éprouvé d'abord. Amen. Donc vous ne pouvez pas commencer à dire, je connais que l'homme de Dieu, c'est un employé de Dieu. Ça m'envoie la matrace. Ça m'envoie la matrace. Mais qu'on souffre mon caca, qu'on parle mon caca. On a pas nous avons pour arriver à voir que cet esprit vient de Dieu. Éprouvez les d'abord. Si vous n'avez pas éprouvé, c'est que vous ne pouvez pas voir s'il vient de Dieu ou non. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes, hein? C'est pour ça que nous devons éviter les tapalais, les tapalais. Les impressions superficielles. Il faut d'abord les preuves. Amen. Qui dit amen. Qui comprend le contour. Le doigt, je le doigt. Celui qui comprend le contour. Merci. Vous ne pouvez pas sauter pour voir. Vous dites bien aimé. Au lieu de ne croyez pas tout esprit, vous vous sautez. Vous n'êtes même pas là. Ah, pour toi, quand quelqu'un dit qu'il est de Dieu. Nous verrons prochainement pourquoi. D'où viennent les faiblesses de ce comportement? Mais nous devons revenir à la parole. Et nous devons nous en tenir à la parole. Parce que la parole de Dieu seule demeure éternellement. Vos sentiments et vos sensations passeront. Toutes vos impressions passeront. Revenez à la parole. Avant de voir, vous devez d'abord refuser de croire tout esprit. Parce que vous devez éprouver tout esprit. Éprouver veut dire soumettre à l'épreuve. Mais pour éprouver, vous devez savoir comment le faire. C'est un autre sujet. Comment éprouver? Les ministères sont des esprits en opération. Vous le verrez aussi. Vous ne venez pas juste pour dire, oh, mais ici on est éprouvé des esprits. Mais vous ministère, les ministères ne s'exercent pas sans esprit. Tout ministère pour opérer a besoin d'un esprit derrière. Un esprit qui l'opérera. Il le manifestera. C'est un esprit dans un corps. Est-ce que vous là? Il faut éprouver. Vous y êtes. Après avoir mené une épreuve correcte, vous pouvez maintenant voir si ou non l'esprit est de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et ces faux prophètes, quand ils viennent, Jésus nous a dit quoi? Je termine ici pour nous aider. Oh mes chers amis, Matthieu chapitre 7, le verset 15e. Matthieu 7, verset 15. Ce faux prophète qui est amené par le Seigneur. Oh, Dieu. Non, non. Il faut aller plus loin que ça. C'est que nous avons aussi pour les paroles, non? Ah, vous allez lire la marque. Et là, vous avez mal à la le vent a bougé la Bible. Ok. C'est Matthieu 7, exactement. Vous allez matin, il ne va pas s'amour. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Amen. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. De même que Jésus a des brebis, les faux prophètes sont des brebis apparemment. Bah, le coup, fait, bah, sans considérer les dehors, ce sont aussi des brebis. Comparables à des frères et des sœurs. Bah, comparables à des copains sur la paille. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. La suite, on verra après. Voyez seulement ces faux prophètes quand ils viennent. Vous ne pouvez pas vous fier à leur apparence. Vous dégagez l'identité. Détrompez-vous. Vous dites ça. L'apparence est celle des brebis. Les dehors sont sur les chrétiens. Le banda ou la pipo. Mais l'intérieur, c'est Dieu qui connaît. Alors, Bongo. Tenez-vous sur vos gardes. Soyez extrêmement prudents. Ne donnez pas foi à n'importe quoi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. Éprouvez les esprits. Il faut l'épreuve. Mais comment éprouver? Dieu nous aidera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous tenons et vous menons pour la prière. Cantique Hosanna, numéro 128. Quelle âme fidèle et tendre. Ok. Quelle âme fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. À notre cri, il connaît nos défaillances, nos chutes, nos chutes de chaque jour. C'est vers et en ses exigences. Il est riche en son amour. Ah, il connaît, nos défaillants. Oh, nos chutes, nos chutes de chaque jour. C'est vrai, on s'est exigeant. Oh, les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, oh, disons-lui toutes nos craintes. Disons-lui notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes pour nous rendront le vrai bonheur. Descends-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui. après que. Oh, bientôt, bientôt, ces paroles saintes, à main tendre le réponneur. Quel ami fidèle est nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Amen. Quand nous presse l'ennemi, lui, il nous suit, dans la mêlée, et nous entourons-nous dans le décédant. Et celui qui tient le fil, il s'est tiré des combats. Il nous suit dans la mêlée, il nous entoure, nous entoure avec ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Amen, qui décide le combat. Quel ami fidèle est nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre. Avec grand compte sur lui, s'il nous voit, nous voit des gestes faits, à chercher la sainteté. Il est content, il écoute nos prières, oh, amen, et nous met en liberté. Oh, qu'il nous voit, qu'il nous voit, à chercher la sainteté. Il écoute, il écoute nos prières, et nous met en liberté. Quel ami, quel ami fidèle est-on? Nous avons en Jésus-Christ. Oh, bientôt, il viendra nous prendre. Vous pourrez au ciel avec lui. Suivons donc les trois témoins, en cantant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie, et vivre avec lui toujours. Suivons donc les trois tes voies, en comptant sur ton secours. Bientôt nous aurons la joie en main de vivre avec lui toujours. Élevons nos mains dans la simplicité, confiance au Dieu vivant, Dieu est notre salut, qui nous a destinés au salut, et qui donne des recommandations justifiées pour protéger nos âmes contre la perdition. Prions chacun. Dieu est le médicament. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Amour de Dieu, amour de Dieu, et c'est merveilleux, amour de Dieu, et c'est merveilleux, amour de Dieu, et c'est merveilleux, ah, quel amour, comment il est, il est si bas, on peut renverser, il est si large, on peut contourner, ah, quel amour, comment il est si haut, on peut se monter, il est si bas. Il est si large qu'on peut contourner. Ah, quel amour! Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, Dieu est amour parfait, insondable. Dieu est amour irrévocable. Amour divin, amour rédempteur. Amour sublime, incomparable. Amour qui nous a sauvés et libérés de l'empire du péché et de la mort, qui nous a menés à la vie éternelle. Pour faire de nous des brebis du Seigneur, destinés à posséder le salut. Merci Père pour ce programme. Ce programme merveilleux, bienveillant, auquel nous appartenons. Dont nous faisons partie dans ta grâce. Aide chacun à prendre conscience. À ne plus traiter avec Dieu à la légère. Et à recourir à des caprices et des manières inutiles. Puisse chacun de nous se donner à Dieu. À cause de l'amour dont tu nous as aimé. Pour pas que toi tu cherches un intérêt chez nous. Mais tu veux plutôt nous faire profiter de toi. Que l'amour pardonne nos péchés. Négligence, Seigneur. La paresse de notre vie spirituelle. Nous confessons tout au nom de Jésus. Pour que le sang de l'agneau nous lave. Pour rendre meilleur qu'avant. Pour le fruit du sommeil. Pour qui t'amène la puissance. Pour que nous soyons plus actifs. Exauce nos prières. Purifie l'église. Purifie chaque disciple. Pour que nous soyons des vases d'honneur, des instruments utiles à Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen.